L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Les 13 et 14 septembre, Heycourt accueille la deuxième édition des Jeux de l'Ambanie, un week-end ludique organisé par l'association À un point près, avec de nombreuses animations, tournois et rencontres pour petits et grands. Pour en parler, nous avons au téléphone Sylvain Neveu, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association À un point près. Deuxième édition, alors déjà un petit retour sur la première édition, comment ça s'était passé ? Eh bien, l'année dernière, on a fait 450 visiteurs sur le week-end. On avait 6 tournois qui étaient organisés où on a rempli la jauge à chaque fois et on avait à peu près 60-70 personnes à la soirée du samedi soir. Donc, on a eu d'excellents retours d'une manière générale et on a pu le voir sur l'année suivante puisqu'on a eu beaucoup plus d'adhérents à l'association. Cette seconde édition s'annonce bien. Qu'est-ce que vous avez prévu cette année ? Globalement, on n'a pas changé les horaires, on reste sur le même principe, le samedi après-midi et la soirée le samedi soir et le dimanche toute la journée. Des tournois aussi, on va essayer d'exploiter un peu plus les extérieurs, sous réserve de beau temps bien sûr, avec éventuellement un rallye photo dans le parc de l'Ambanie et Décathlon qui nous met à disposition des jeux extérieurs. Quand vous parlez de tournois, c'est quel genre de tournois ? Il y a 6 tournois d'organiser, de différents jeux, il y a des jeux de cartes, des roll and write, des jeux d'association d'idées. En fait, il faut aller sur le site Facebook. Vous aurez les liens pour les tournois et les inscriptions. Donc, le samedi soir, ce sera consacré à une soirée quiz, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ouvert à tout le monde à partir de 12 ans. Globalement, il y a du cinéma, de la musique, type blind test, de la culture générale. Le but est vraiment de passer un bon moment sans se prendre la tête. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances précises. Donc 450 visiteurs l'année dernière, vous espérez en avoir au moins autant cette année ? C'est ça, l'objectif est de faire au moins la même chose. On pense un petit peu plus parce que du coup c'est la deuxième édition et on sait qu'il y a des gens qui vont revenir. On a tablé sur la même chose. Donc il y aura plein de jeux classiques et des jeux à découvrir aussi. Il y aura aussi la présence d'un auteur de bande dessinée. Oui, effectivement, sur Heycourt, on a Jarvin qui est auteur de BD dont vous êtes le héros. Il sera présent pour faire des dédicaces et ses livres seront en vente avec la boutique La Caverne du Gobelin qui est présente aussi. Donc cette deuxième édition, ça se passe où cette année, les 13 et 14 septembre, comme l'année dernière ? Comme l'année dernière, à la Maison du Temps Libre de Heycourt et peut-être aussi un peu dans le parc de l'Ambanie. Voilà, et vous l'avez dit, il faut s'inscrire pour les tournois ou pas nécessairement ? Le mieux, c'est de s'inscrire parce que les places sont limitées. Il y aura possibilité de s'inscrire sur place si les tournois ne sont pas pleins. Mais le mieux est toujours d'aller sur le site Facebook, il y a un lien direct pour faire les inscriptions. Pour celles et ceux qui aiment bien aussi gagner des choses, il y a un filet garni de jeux à peser et à gagner, je crois. Exactement. On a repris le même principe que l'année dernière. Donc, il y a tout un filet de jeux. Il devrait y avoir une dizaine de jeux dedans. On pèse, on estime le poids. Et si on est le plus proche à la fin du week-end, eh ben, on gagne le tout. Un message peut-être à faire passer aux éditeurs pour leur donner envie de venir cette année ? Globalement, on a les éditeurs qui ont répondu assez présents. On a une trentaine de jeux qui sont prêtés par des éditeurs pour pouvoir les présenter. Donc là-dessus, on n'est plutôt pas à plaindre. Voilà, et en cette rentrée 2025-2026, c'est aussi l'occasion de faire connaître votre association et de trouver de nouveaux adhérents. Exactement. Nous, on est présents au Forum des associations d'Heycourt le week-end d'avant, plus le festival ce week-end-là. C'est, on va dire, un coup de projecteur avant les inscriptions et le début de l'année. Rendez-vous les 13 et 14 septembre pour cette deuxième édition des Jeux de l'Ambanie. Merci beaucoup, Sylvain Neveu. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.